Michael Gardner. Gardner. Le discret et le continu de Pierre Sange. Le personnage du flâneur préfigure celui du détective. Le flâneur devait rechercher une justification sociale à son comportement. Il lui convenait parfaitement de voir son indolence présentée comme une façade, derrière laquelle se cache en réalité l'attention soutenue d'un observateur ne quittant pas des yeux le criminel qui ne se doute de rien. Walter Benjamin, Paris, capitale du 19e siècle. Compte rendu de filature de l'agent Pavel German. 19 janvier. Levé du soleil prévu à 8h15. Lune à son dernier croissant. Luminosité de 1,2%. 7h12. Lumière à la fenêtre du 4e étage de la rue Cavendish. Fenêtre de droite, autrement dit, chambre à coucher. 7h27. Lumière à la fenêtre centrale. Salle à manger. Rien de notable jusqu'à 8h01. En dehors d'une silhouette apparue 4 fois derrière les rideaux. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je vais vous poser quelques questions. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Quel genre d'inconvénient? Ce travail n'est pas si mystérieux. On en fait des romans feuilletons peuplés de sanguinaires élégants, de femmes fatales, de grands docteurs mabuses et de savants reclus à qui on commande de réduire une bombe à hydrogène à la taille d'un porte-plume, le moins étonnant étant qu'ils y parviennent. En vérité, ce travail est routine et habitude. Il est fait de recommencements. Il suit les jours en se bornant à distinguer le dimanche des jours de la semaine. Compte rendu de filature. 19 janvier, 8h01. La porte de l'immeuble de la rue Cavendish s'ouvre. Même heure et même minute, il sort et se dirige à pied vers la rue Mendel. Il porte un bonnet de fourrure, un manteau, une écharpe et des bottes de pluie. 8h07, allume sa première cigarette après avoir parcouru la rue Mendel jusqu'à l'arrêt du tramway numéro 13. On l'a chargé il y a 25 ans d'étudier la vie du professeur Gardner, Michael, chimiste, et lui emboîter le pas du matin au soir. Pendant toutes ces années, il a fallu se prendre de passion pour des promenades répétitives, pour l'alternance de lumière et d'obscurité aux 3 fenêtres d'un appartement, pour des portes closes et des heures de sommeil sans accident, ni cauchemar, ni succube, pour les 3 repas de sa journée et le contenu de son courrier. À la longue, le soupçon tient lieu d'appétit de vivre et guérit du sentiment d'absurdité éprouvé certains jours. Quand il ne guérit pas, il distrait. Le professeur Gardner ne se doute pas de l'existence d'un espion. L'espion doute de chaque minute de la sienne. Quand le professeur boit une tasse de café, l'agent considère la tasse, le café, le geste de boire comme un ensemble de signes. Le sens lui échappe, l'opacité est un avantage. Tant que la signification des gestes reste inconnue, l'observation n'est pas galvaudée par le plaisir de l'interprète. L'agent reste neutre comme un juré sans haine ni crainte, disponible pour donner de chaque chose description exacte. Compte rendu de filature. 19 janvier, 8h11. S'assoit au 3e rang à droite dans la voiture de tête du tramway numéro 13. Déplie un exemplaire du mensuel de la chimie et de la pharmacie. 8h32. À l'arrêt Karl Mosander, quitte sa place et descend du tramway. 8h40. Présente sa carte d'identité, son laissez-passer et son badge au gardien de l'Institut de recherche et de développement qui ne les vérifie pas. 8h43. Entre dans l'Institut par la porte principale. Il a noté chez son client 37 façons de boire une tasse de café, selon qu'il la tient de la main droite ou de la gauche, à 2 ou 3 doigts, par l'anse ou par la coupe. Il a noté l'alphabet de ses manières de boire dans un carnet, et sur un autre, la succession et la fréquence de chaque signe, obtenant à l'issue de ces 12 000 matins une suite de 12 000 lettres combinables en mots, puis en phrases. Il laisse aux herméneutes le soin de les traduire. Monsieur Pavel German, vous savez pourquoi je vous ai convoqué ? Je n'en ai aucune idée. D'habitude, vous avez beaucoup d'idées à ce qu'on dit. Tout dépend du sujet. Celui-là devrait vous inspirer, il s'agit de vous. Je m'intéresse très peu à moi-même. Et encore, si ça devient vraiment nécessaire. Quand je tombe malade, par exemple. Vous tombez souvent malade ? Je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait venir, mais je ne suis pas sûr que cette question soit pertinente. Qu'en pensez-vous, monsieur Espérandieu ? Moi ? Oh, tout à fait. Tout à fait quoi ? Pertinente, la question. Le sujet, c'est M. German. Les maladies de M. German appartiennent, ou ont appartenu de facto, à M. German. Elles font partie de son moi pris au sens large. Alors donc, oui, vous pouvez poser la question. Merci. J'en profite pour faire les présentations. M. German, je vous présente Marcelin Espérandieu, avocat d'origine française. Vous avez besoin de votre avocat pour mener un interrogatoire ? M. Espérandieu n'est pas mon avocat, il est le vôtre. Je n'avais pas compris. Laissons de côté les maladies. Beaucoup de questions sont encore sans réponse. Je ne parle évidemment pas de la question « Dieu existe-t-il ? » Non, bien sûr. D'autres nous intéressent davantage. Ne vous en faites pas, Monsieur German. Je suis ici pour vous aider. M'aider à quoi ? À midi, vous serez rentré chez vous. Et au pire, nous déjeunerons ici. Hein ? Un petit quelque chose à la bonne franquette. Son ordre de mission, il l'a reçu il y a plus de 2 décennies, écrit sur du papier à cigarette. Les méthodes étaient encore rustiques à l'époque. Il fallait faire avec de maigres moyens. L'espionnage était un arte povera. Il avait pour devoir d'apprendre par cœur le contenu de ce papier, puis de l'avaler. On demande parfois ce genre de sacrifice au système digestif des agents de renseignement. Apprendre par cœur n'a pas été difficile. Mais comme il a l'estomac susceptible, il a préféré remplir la feuille de tabac et la renvoyer au néant à l'aide d'une seule allumette, en la fumant. Compte rendu de filature. 19 janvier. Temps couvert, 0 degré Celsius. 8h53, apparition du professeur Michael Gardner en blouse blanche. Visible par les 2 fenêtres de son laboratoire. De 8h53 à 9h26, apparition et occultation intermittente du professeur. Des années de filature fidèle, d'observation fidèle, de méfiance et de soupçon fidèle. Tout bien pesé, personne n'a fait preuve d'autant de constance dans l'entourage du professeur. Au cours de sa vie, il y a eu des amitiés mortes, des oublis, des trahisons et des ruptures, des deuils, des désamours, des adieux, des malentendus, des aventures sans lendemain, de faux espoirs, des mutations, des déménagements, de la lassitude, le désenchantement, des absences sans raison, 2 divorces, des fuites et des querelles définitives. Son espion, lui, n'a jamais bougé. Par-dessus ses délabrements, seul son soupçon a tenu le coup. Compte rendu de filature, 19 janvier, 10h33, manipule plusieurs flacons, nature du produit indéterminée, en l'absence de couleur et de texture apparente. L'agent connaît l'heure de son réveil, les gestes de son lever, le menu de son petit déjeuner, les forces et les faiblesses de son foie, le contenu de son tube de dentifrice, l'état de ses 32 dents, c'est-à-dire des 27 vraies et des 5 fausses. Il connaît le cycle de ses humeurs, le nom de ses poètes préférés et la coupe de ses vêtements. Il connaît le chemin de ses promenades, le dessin du trajet entre sa maison et son lieu de travail, le nombre de marches d'escalier dans un sens et dans l'autre. Il sait où sont glissés ses marque-pages, quel livre de sa bibliothèque est corné, à quel endroit et pour quelle raison. Il a relevé l'ensemble des mots soulignés au crayon. Il connaît son emploi du temps à la minute près, la routine et les écarts à la routine qui sont une routine au 2e degré. Le nom de ses restaurants et pour chaque restaurant, le détail du menu, pour chaque menu, les plats choisis, classés par ordre de préférence. Il connaît les noms de ses épouses, de ses maîtresses, de ses petites amies. Il a recueilli et conserve encore des noms dont le professeur aurait beaucoup de mal maintenant à se souvenir. Compte rendu de filature. 19 janvier, 11h57. sort par la porte principale de l'Institut de Recherche et de Développement. 11h58, remonte la rue Mozander en direction d'un café. Il pourrait choisir sa cravate à sa place parmi un lot de 1000, sans se tromper. On admet que le fugitif ou poursuivi enregistre sur le chemin de sa fuite une séquence plus ou moins continue que le poursuivant, venu en second dans le temps et dans l'espace, se contente de lire, comme l'aiguille du gramophone lit le sillon d'un disque de cire. Dans ces circonstances, la lente métamorphose du poursuivant en poursuivi est inéluctable, et le fugitif sait dans quelle mesure sa fuite fait office d'écriture. Gilbert Chevalier, 4 études sur la fuite, 1939. Entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Mon client veut bien. Vous-même n'avez pas que ça à faire. Oui, entrez dans le vif. Vous êtes ici chez vous. Parfait. Je veux savoir pourquoi vous avez abandonné votre mission du jour au lendemain. C'est en effet une question turlupinante, si vous me passez l'expression. Le matin du 24 avril, à 8h17, Michael Gardner descend la rue Cavendish en direction de la rue Mendel. Son parcours est si bien déterminé que l'agent pourrait y placer d'avance des jalons à intervalles réguliers. Puisqu'il est question d'habitude, il a pris celle de devancer son client, certains jours, pour éteindre les soupçons, même s'il n'y a jamais eu de soupçons à éteindre. Les minutes s'enchaînent comme la veille et l'avant-veille, sur un même patron. Quand l'agent voit s'avancer le long de la rue Mendel une camionnette conduite par un idiot, il n'a pas de mal à dessiner son trajet sous forme d'une ligne droite. Il n'a pas de mal à situer l'endroit où deux trajectoires, celle de la camionnette, celle du professeur, ont leur point d'intersection. Il calcule sans difficulté l'instant de leur rencontre, appelé aussi impact ou accident, autrement dit, l'instant de la mort du professeur Gardner. Une mort certaine compte tenu de la rigueur des chiffres. Avoir 10 secondes d'avance sur son client, et donc 10 secondes sur son destin, confère à l'espion un minuscule pouvoir de prophétie dont il ne tire aucune fierté. Tout cela à la minute même où le professeur s'avance vers l'agent. L'agent, planté là comme une borne entre un piéton tranquille et une camionnette acharnée, portant son regard tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, la camionnette abrutie et le piéton un peu distrait. Gardner, regardant à son tour son espion pour la première fois depuis 25 années de vie commune, le découvrant dans son paysage, le scrutant comme un inconnu chez qui on s'efforce de reconnaître des signes de familiarité parce que cet inconnu vous fait un grand sourire. Au moment où l'agent se précipite vers son client pour lui éviter une mort dérisoire, le professeur n'éprouve aucune frayeur. Il voit débarquer un nouveau venu. Il lui ouvre ses bras comme s'il embrassait un possible ami de longue date, pour l'embrasser d'abord, le reconnaître ensuite. On ne sait pas si on peut appeler ça une étreinte. Le professeur, prisonnier dans les bras de son agent, voit passer la camionnette et son chargement mal arrimé de cloches et de casseroles. Il comprend ou il ne comprend pas l'accident auquel il vient d'échapper. Il mesure ou ne mesure pas l'importance d'un véhicule dérisoire. L'agent ignore sur le moment si son client va le remercier ou s'il cherche encore son nom dans un grand répertoire. L'agent n'attend pas. Il se trouve déjà loin, regrettant son geste et tentant de corriger son erreur par la fuite, qui est une deuxième erreur. Il rejoint cette chambre qui lui sert de maison et de bureau. Il retrouve une partie de son sang-froid en rédigeant son compte-rendu, un fragment de compte-rendu, un échantillon seulement de son sang-froid. Vous savez qu'en agissant de la sorte, vous êtes sorti de votre réserve. J'en suis conscient. Notez que mon client fait preuve de bonne volonté. Vous appelez ça de la bonne volonté? Il fait même preuve de contrition. Je n'irai pas jusque-là. Vos employeurs ont dû vous reprocher une telle compassion, étrangère à vos engagements. J'ai sauvé une vie. Mon client est un sentimental. C'est tout le problème. En regard de votre règlement, la compassion et l'héroïsme sont ce que certains appelleraient de la foutaise. Vous avez trahi votre neutralité et trompé la confiance de vos supérieurs dans le seul but de perpétuer la routine de ce professeur intel. Professeur Gardner. Cette routine qui est votre pain quotidien. Aucune bonté d'âme là-dedans. L'âme n'existe pas et la gentillesse est un gadget de roman courtois. Vous avez voulu vous accorder 20 ans de sursis, la vie tranquille et la sécurité de l'emploi. Ça s'est envoyé. Si son client, un soir, se fait égorger par une horde de 3 cosaques, eh bien, qu'il en soit ainsi. L'espion note le nombre des cosaques, l'heure exacte de la mort, la profondeur de la blessure, puis rentre chez lui terminer son rapport. Si au lieu d'être assassiné, son client assassine, l'espion s'en tient à sa neutralité d'observateur, quand bien même il serait la victime. Il ne se débat pas, il ne se défend de rien, il constate rien de plus. Vous n'avez signalé l'incident à personne ? Cette histoire concernait seulement le professeur, une camionnette idiote et moi. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle était idiote ? À partir de ce jour, la routine du professeur n'est plus une routine ordinaire, mais à sa manière, une infraction au déroulement normal de son existence, à savoir, une infraction à son destin de mortel. Jusqu'à présent, sa vie était rassurante comme peuvent l'être toutes les cérémonies, du seul fait de reproduire les mêmes gestes en réfutant le passage du temps. Désormais, elle est une déviation à l'ordre des choses. Son caractère suspect s'élève d'un ou de plusieurs degrés sur une échelle de gravité, comme si Michael Gardner faisait dissidence à sa propre existence. Quelqu'un expliquera que cette dissidence justifie la suspicion et la surveillance de l'espion. Il faut parfois repousser ceux qui vous invitent à les suivre au fond de leur beau paradoxe. Quitte à ne rien dire, pourquoi ne pas avoir repris votre filature ? Comme si de rien n'était. C'est bien ça l'expression ? J'étais tenté de le faire. J'ai changé d'avis. Mon client est un homme versatile. Vous avez voulu trouver refuge quelque part ? Quel intérêt ? Vous tenir dissimulé ? Je l'étais déjà. Alors à quoi avez-vous occupé vos journées ? À chercher. Chercher quoi ? J'ai passé ces dernières années sans plus recevoir aucune nouvelle de mes employeurs. Oh, ça vous a fait de la peine ? La disparition progressive de tout contact avec ceux qui me donnaient des ordres, ou plutôt ceux qui me les transmettaient, parce qu'ils les avaient reçus d'ailleurs, je l'ai d'abord interprété comme un raffinement, un envol vers l'abstraction. Vous avez bien fait. Nos rencontres se sont espacées, puis ont disparu. Depuis des années, je ne vois plus personne. Je n'entends aucune voix. Les téléphones sonnent dans le vide. Les derniers ordres reçus étaient des fragments de télégrammes. Ça ne nous rajeunit pas. On se croirait dans l'entre-deux-guerres. Pour délivrer mes rapports, je dispose d'une boîte aux lettres rangée au milieu d'une centaine d'autres dans le hall d'un immeuble. Ah oui, discret mais rustique. Ou peut-être à la fois raffiné et rustique. Si vous le dites. Le lendemain du 24 avril, au lieu de me poster sous les fenêtres du professeur, je me suis posté devant ces boîtes. Vous attendiez le facteur ? N'importe qui venu relever le courrier, je l'aurais suivi. Dans quel but ? Remonter une piste. Quel genre de piste ? Ce que vous appelez la chaîne de commandement. Jusqu'au sommet ? Si j'avais pu... Ah, j'ai compris. Quelqu'un est venu en fin de compte. Une certaine Madame Palinowska ? Composition de la troisième section de la chancellerie particulière de Sa Majesté l'Empereur. Première expédition. Lutte contre les complots visant le régime et l'Empereur. Surveillance des sociétés secrètes. Collecte d'informations sur la situation dans l'Empire. Surveillance de criminels d'État et suspects divers. L'agent Dora Palinowska est en poste depuis 16 ans. Autrement dit, elle accomplit depuis 16 ans les rituels semblables d'attente, d'observation, de filature et de compte-rendu. Deuxième expédition. Sectes et schismatiques, faux monnayeurs, inventions et découvertes, sociétés culturelles et scientifiques, prisons secrètes, courriers au nom de l'empereur. Elle se contente mal de ses heures d'attente passées sous des fenêtres. Elle se permet plus souvent d'ouvrir des portes. Elle manie l'épingle à cheveux comme savent le faire les agents doubles dans les romans d'espionnage, pour ouvrir n'importe quelle serrure. Troisième expédition. Contre-espionnage. Surveillance et contrôle des étrangers. Surveillance de l'opinion publique. Elle fouille des appartements. Elle y fait plusieurs fois de suite le même inventaire, prenant soin de redéposer chaque objet à sa place exacte. Elle est si appliquée dans ce travail de perquisition que l'on soupçonne les choses d'être plus précisément et plus naturellement à leur place après avoir été manipulée par elle, comme si son intention l'emportait sur l'arbitraire et apportait au hasard sa touche finale. Quatrième expédition. Épidémie et feux de forêt. Cinquième expédition. Censure des périodiques et des adaptations littéraires. Elle aussi a passé ses dernières années dans un isolement de cosmonaute russe, dans sa capsule. Elle aussi a bien voulu considérer le silence de ses employeurs comme une preuve d'élégance. discrétion, confiance et efficacité. Il lui est arrivé de penser que la dualité onde-corpuscule permettrait de communiquer en se passant de la matière. Mais un silence aussi brut a fini par lui paraître suspect. À son tour, elle a voulu remonter Dieu sait quelle piste pour voir à quoi ressemblent les visages de ceux pour qui elle effectuait ce métier de flâneur. J'ai attendu pendant des jours devant ces boîtes aux lettres, sans voir personne. Il faut pourtant qu'il se trouve quelque part. C'est ce que je pensais. Être nulle part, ça n'est pas donné à tout le monde. À Dieu, à la rigueur, mais lui, plus personne n'y croit. D'ailleurs, on ne prend plus son absence au sérieux. J'ai cherché partout. Je suis tombée sur des concierges, qui semblaient avoir un lointain souvenir. Puis me donner l'adresse d'un terrain vague à la sortie de la ville. J'ai trouvé des noms dans de vieux annuaires. J'ai interrogé des voisins qui me conseillaient d'interroger d'autres voisins. Je suis allée rendre visite à des asiles et à des mouroirs. J'ai interrogé des amnésiques. J'ai essayé de déchiffrer ce que ces moribonds m'écrivaient sur des serviettes en papier. D'autres prétendus bureaucrates partis à la retraite depuis longtemps m'ont fait le coup du secret professionnel ou de la clause de confidentialité. Et la plupart se taisaient avec un air buté à la fois bourreau et victime. Comme s'ils étaient au courant, à contre-cœur, de tous les secrets terrifiants. Je suis allée frapper à d'autres portes. Je me suis rendue dans les étages des administrations, à la recherche d'un couloir dérobé mentionné nulle part. J'ai réveillé des secrétaires, j'ai prononcé des mots qui devaient être tabous. On m'a regardée comme une hérésiarque, puis comme une intouchable. J'ai trouvé des bureaux vides. J'arrivais trop tôt ou trop tard. Des gardiens de nuit seuls dans des bâtiments immenses et déserts faisaient des efforts pour paraître mystérieux et intraitables derrière leurs portes fermées, des portes de verre. Je pensais avoir affaire à des images. Qu'ils soient introuvables ne prouve rien. C'est eux qui nous ont appris à passer inaperçus. Quand deux agents de l'espionnage se rencontrent, il ne faut pas imaginer une chambre d'hôtel de luxe, beaucoup d'élégance désinvolte au moment de commander une bouteille de scotch aussi chère qu'un cheval de race, la même désinvolture pour verser le scotch dans des verres, la même encore pour négliger de le boire parce que d'autres délices d'un degré supérieur attendent quelque part. Au lieu de boire du scotch, les espions ont fait ce qu'ils ont toujours su faire, relire leur compte-rendu. Sans être certains de l'utilité de leur travail, persuadés au moins que l'utilité de leur métier n'apparaît jamais avec évidence. Les déplacements du professeur Gardner et d'une certaine Isabella Rigoni, une employée du ministère, soumise sans le savoir à l'observation constante de l'agent Palinowska, ont été comparés jour après jour, page après page, dans l'espoir de trouver un indice. Un signe absent d'un compte-rendu, absent d'un autre, mais présent à la rencontre des deux. Comme la figure d'une dame de pique à cheval sur deux moitiés de carte. Quelque chose est sorti de vos petites comparaisons ? Nous avons fait l'hypothèse suivante. La probabilité pour que le professeur Gardner et la signora Rigoni se rencontrent une fois est faible, mais non nulle. Je ne sais pas si la chance était de notre côté ou si la taille de la ville a favorisé les rencontres. Toujours est-il que nous avons dénombré 77 points de croisement des lignes Gardner et Rigoni, à savoir une rencontre tous les 77 jours sur une période de 16 ans. Vous avez tiré une conclusion au sujet du nombre 77 ? Nous n'avons pas eu le temps. Pas eu le temps ? Mon client essaie d'être sincère. C'est à ce moment-là que Prospero a choisi de faire son apparition. Qui c'est ce Prospero ? Son nom me dit quelque chose. Un agent ? Un troisième ? Ça se complique. Tombé du ciel ? Vous confondez Prospero et Cyrano. On peut dire ça comme ça ? Je vous en tiens par rigueur, remarquez. Vous pouvez m'en dire plus ? Prospero est un pseudonyme. Ça se fait encore ? C'est un sentimental, un nostalgique de l'âge d'or. De quel âge d'or parlez-vous ? Et ce Prospero, il vous a aussi montré ses comptes rendus ? On ne peut rien vous cacher. Non, n'est-ce pas, madame est perspicace ? Ce petit jeu a duré longtemps ? Oui et non. Je ne peux pas accepter une réponse à la fois affirmative et négative. Vous avez raison, ça va à l'encontre de la logique. Après Prospero, il y en a eu d'autres. Mon client veut dire d'autres espions. On s'est retrouvés à 4, puis 12, puis 25. D'où sortait tout ce monde ? D'un peu partout. Je dois me contenter de vos oui et non et de vos un peu partout ? Je n'y peux rien. Pour quelles raisons se sont-ils mis à sortir spontanément de leur cachette ? Une émotion collective ? Un soulèvement ? Le bouche à oreille. J'avais renoncé à ma filature. Ça a fini par se savoir. D'autres ont voulu en faire autant. Une fois rassemblés, vous n'avez pas organisé une chorale, j'imagine. On aurait pu. Soyez plus précis. Nous nous sommes réunis chaque soir, le plus souvent au premier étage du café Al-Motassim. À quoi avez-vous passé vos soirées ? À échanger des microfilms ? Ça existe encore ? Nous avons bavardé. De quoi ? Et s'il vous plaît, cher ami, ne répondez pas de tout et de rien. Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Pierre-Simon Laplace, Essai sur les probabilités. Un peu d'attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous allons aborder le problème du travail de nuit. En règle générale, les agents de l'espionnage ne se rassemblent pas autour d'une table pour se livrer au plaisir de la dispute. Ils sont des créatures isolées, des créatures d'ombre, nosphératiennes, s'il s'agit d'éviter les effets les plus désagréables de la lumière du jour. On les connaît pour éviter tout contact, pour décliner de fausses identités, puis repartir libre en laissant à leur interlocuteur une fausse carte de visite. Un nom rattaché à personne. Le travail de nuit, on en a déjà parlé hier. Il est à l'ordre du jour. C'est absurde, il y a plus urgent. D'ailleurs, je voudrais... Taisez-vous. Mais non, laissez-la parler. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de calme et de retenue. Il a fallu des circonstances d'exception, comparables à l'état d'urgence ou à une pandémie de peste. Deux douzaines d'agents de l'espionnage se rassemblent maintenant. Débarrassés de leurs fausses barbes, avenants et sincères, le visage découvert, pour discuter d'un ordre du jour, sous un même toit, au premier étage du café Al-Motassim. Je voudrais attirer l'attention de mes collègues sur le problème de l'équipement. Vous avez raison, parlons des systèmes d'écoute. Et les jumelles, l'outillage optique. Je pensais plus particulièrement à un détail qui nous touche de très près. Nous n'avons plus d'appareil photographique digne de ce nom. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On désigne un président de séance, un vice-président, inutile mais prenant son rôle très au sérieux, un secrétaire et un huissier pour chaque séance. En dehors de ces précautions de pure forme, la parole se distribue au petit bonheur. Les espions s'étonnent d'être bavards et d'aimer la volubilité après tant d'années passées à économiser leurs mots. Sauf erreur de ma part, chacun de vous a reçu il y a près de 15 ans déjà une capsule de cyanure de potassium. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en souviens comme si c'était il y a 15 ans. À ce propos... Est-ce qu'on pourra évoquer un jour les problèmes de filature partant de brouillard ? On parle des salaires inchangés depuis 10 ans, des frais de mission inexistants, sous prétexte peut-être de rendre l'espion autonome et inventif. On parle de l'usure des semelles, des filatures longues, de la pénibilité de l'emploi, de la pluie, de la neige, de la glace et du sel pour combattre la glace. On évoque les nuits sacrifiées, la famille impossible, le couple impensable, la sexualité sporadique et incertaine, l'obsolescence des téléphones, l'impuissance des passe-partout et la pauvreté des gadgets comparés à ceux décrits par John le Carré dans son œuvre. Poursuivez, chers collègues, il est déjà minuit, le temps presse, il y a d'autres questions à l'ordre du jour. Je tiens à faire remarquer que le cyanure de potassium délivré à chaque agent dans une petite capsule se corrompt avec les années. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu as essayé? Au point de devenir inoffensif et partant inutile. Or, un espion en mauvaise posture n'a que faire d'un suicide non létal. Elle dit n'importe quoi. Elle a parfaitement raison, au contraire. Merci. C'est à se demander si dans la non-létalité du suicide, comme dans la non-mortalité de la mort, ne se niche pas l'absurdité de notre profession. Vous n'avez pas le droit de dire une chose pareille. Silence! C'est indigne! Écoutez-moi! Les laissez-la parler. J'ai envie de vous raconter. Ah non, ça suffit. Et bien sûr, chacun d'eux cherche à comprendre les raisons d'un silence, mesurant les années qui les séparent de leur dernier contact avec la maison mère. Les agents en viennent à leur tour à parler de discrétion, d'invisibilité, d'efficacité. Ils se demandent si leurs chefs sans visage ont disparu du jour au lendemain après un cataclysme semblable aux cendres de Pompéi, ou s'ils se sont retirés lentement, au fil des années, fiers du devoir accompli, prêts à savourer les joies de la retraite sur les bords de la mer Noire en fleurs. L'usure des semelles, le travail de nuit et l'obsolescence des équipements, c'est ça ? C'est ça. Il était question de défendre vos droits. Vous avez ouvert un cahier de doléances. Pourquoi pas un préavis de grève ? Pourquoi pas, en effet. Mon client plaisantait avec acrimonie. Ceci dit, vous avez parfaitement raison de prendre ces facéties au sérieux. De quoi d'autre avez-vous parlé ? De l'authenticité de nos règlements, de l'efficience des périscopes, de l'usure de nos vieux parapluies. J'imagine qu'il existe autant de parapluies non étanches que de capsules de cyanure non létales. Vous avez parfaitement compris. Félicitations. C'est tout ? Avec le temps, les disputes sont devenues moins triviales, plus métaphysiques. Après avoir parlé du comment, du combien, du quand et du qui, il a été question du pourquoi. C'est alors le début de la fin. Il faut parler de l'infini, de la totalité et du néant. S'il est question de totalité, on parle de système, de vaste dessin, de lien de cause à conséquence. Alors 2 douzaines d'espions arrachés à leur solitude en profitent pour prononcer le mot « supercherie » et un peu plus tard « conspiration ». Au milieu de la nuit, quelqu'un prononce sur 2 notes perchées, pathétiques, mais comme un coucou suisse, le mot « complot ». Quand des espions payés pour surveiller tout le monde s'inquiètent de l'existence d'un complot, c'est un pléonasme ou c'est un paradoxe ? Ça, madame, je n'en sais fichtre rien. Les 2 syllabes du mot complot, et mieux encore, l'unique syllabe de sa traduction anglaise « plot », me rappelle toujours l'ouverture d'une bouteille de champagne de qualité médiocre. Quand un homme les prononce, il donne à sa parole la texture d'un mauvais champagne, sa couleur, son luxe d'imitation, sa fausse pertinence et sa fausse noblesse, cette joie forcée contredite par des arômes âcres ou acides et sa mousse. Décevante quand elle est là, décevante quand elle a disparu. Owen Marcus Ford, Le monde comme intention et comme déchiffrement, 1922. Tout cela est bien joli, Monsieur German. Mais en dehors de ces petits cénacles d'espions à l'étage d'un café, à quoi avez-vous consacré vos nuits ? À rien de notable. Vraiment ? Puisque je vous le dis. Votre collègue, Dora Palinowska, il n'y a pas eu entre elle et vous... Parlez sans crainte. Vous êtes en présence de votre avocat. Oui, je suis ici pour ça. Pourquoi ? Vous laissez parler sans crainte. Je n'ai rien à ajouter. Vraiment rien. Pas grand-chose. Et ce « pas grand-chose », il se remplit de quoi ? Ni notre emploi du temps, ni notre salaire, ni notre règlement ne nous incitent à une quelconque débauche. Encore moins une histoire d'amour. Ce n'est pas ce que j'ai entendu dire. Allez-y, cher ami, nous sommes entre nous. Plus vite on en aura fini, plus vite ce sera terminé. L'agent Palinowska est célibataire, vous aussi. Le temps est à l'effervescence, les réunions se terminent tard. Un petit effort. Votre appartement est vide, votre lit est grand, pas de famille, une longue solitude à distraire, une aventure à portée de main. Vous vous faites une idée exaltante et fausse de la vie d'espion. Vous pensez ? Mais si vous insistez, faisons une hypothèse. À la bonne heure. Admettons, l'agent Palinowska, son célibat, le mien, les nuits blanches, les débats, la fatigue, l'absence de frontières précises. Oui. Nous sommes à la moitié du mois de juin. Il fait déjà chaud, les fenêtres sont ouvertes. Il n'y a rien de tel à cette époque que le parfum des tilleuls. Continuez. Nous rentrons au milieu de la nuit. Ni bus, ni tramway, ni diligence. j'invite l'agent Padinovska à dormir chez moi, au lieu de rejoindre son appartement à l'autre extrémité de la ville. Ce pragmatisme nous tient lieu de romance. Les fenêtres sont toujours ouvertes ? Toujours. Je n'ai ni musique douce, ni lumière feutrée, mais un lit passablement grand, surtout quand on y dort seul. Il me reste une bouteille de vin. L'obscurité masque son étiquette. Nous nous asseyons sur le matelas, assez profondément pour constater que le sommier ne grincera pas. Parfait. Et alors ? Les fenêtres sont toujours ouvertes. Vous l'avez dit, c'est un détail. Un détail charmant. Ça n'en est pas un. Par la fenêtre ouverte, quelqu'un entre. Ah zut, dommage. En effet. Par la fenêtre. Oui. Pourquoi pas par la porte ? L'habitude. Un laveur de carreaux. Non, un espion. Encore ? Un jaloux, peut-être. Je ne crois pas. Alors un collègue venu commenter les débats de la nuit ? Sur le bord de la fenêtre, avec un chandelier. Non, cette fois-ci, c'est nouveau. Il est un espion, mais il n'est pas mon collègue. Je ne suis pas son collègue, mais je suis celui qui l'espionne. S'en va chasser sans craindre la vindicte d'un gibier timide, il est bon de rappeler qu'au printemps, avant que le parfum des fleurs ne trouble l'odorat des chiens, les voix du lièvre sont éclatantes mais entrelacées. Non par l'effet de la ruse qui amène le lièvre, quand il craint d'être pourchassé, à faire retraite par les mêmes endroits en entremêlant les bons et en mettant les voix dans ses voix, mais parce qu'à cette saison-là, surtout, les lièvres s'accouplent et que, vagabondant de concert, ils font de pareilles voix. Marcel Détienne, sourire de la première interprétation. L'apparition par la fenêtre d'un espion d'espion, autrement dit espion au deuxième degré, ressemble à la découverte d'un niveau de réalité supérieur, voisin d'une autre, jusqu'alors imperceptible. On éprouve un malaise semblable à celui qui saisit le lecteur quand il découvre dans la seconde partie de Don Quichotte des personnages lecteurs de la première partie de Don Quichotte. S'il existe dans cette Espagne deux réalités emboîtées dans lesquelles un chevalier se trouve plus ou moins fictif, plus ou moins authentique, le lecteur en vient à considérer avec effroi sa vie comme un récit enchâssé dans le récit d'un autre, plus réel que lui. Merci pour votre intervention. La parole est maintenant à Monsieur Prospero. Ah. Mais nous n'avons toujours pas réglé la question des capsules. Oui. Ça n'est pas le moment. Mais ça n'est jamais le moment. L'espion attribué à l'agent German porte le nom allégorique ou moqueur d'Angelo. Chez lui aussi, la discrétion et l'acharnement ont fait naître une forme de fidélité. Son amitié imperceptible, il pourrait maintenant l'offrir tout entière, maladroitement. Leur rencontre ne donne pas lieu à de longues confidences. Ils ont appris à ne pas s'épancher. En dehors de ces réunions à l'étage du café Al-Mutasim, les espions de ce type se défont difficilement de 20 ans de mutisme et de paroles chiffrées. Il suffit d'admettre l'existence d'Angelo, ses nuits passées à surveiller Pavel German en train de surveiller le docteur Gardner. Inutile de lire ses comptes rendus pour admettre sa version des faits. De dissimulateur à dissimulateur, Pavel German le croit sur parole. Vous avez la parole, Monsieur Prospero, je vous en prie. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, j'ai été frappé. Après Angelo, bien sûr, en voilà d'autres. Ils apparaissent. Ils sont du jour au lendemain aussi visibles dans le décor qu'ils étaient inconcevables la veille. Maintenant, ils crèvent les yeux, comme une certaine image cachée dans les motifs d'un tapis. La communauté de 25 agents de surveillance se retrouve à 50, chacun accompagné de son espion. Certains un peu embarrassés, certains honteux, d'autres ravis comme s'ils étaient libérés de la gravité de l'existence par la révélation d'une vaste plaisanterie, d'autres intimidés, d'autres joyeux ou soulagés, d'autres méfiants et d'autres encore prenant ces rencontres pour des retrouvailles avec des amis de longue date. Mes chers collègues, j'ai été frappé comme vous tous, par la multiplication du nombre grandissant des niveaux de surveillance. Ah bah oui. D'ailleurs, mais laissez-moi finir. Un peu de silence, s'il vous plaît. L'attitude envers tout ce qui semblait surnaturel oscille entre l'explication rationnelle, la crédulité pieuse et spontanée, et la crainte de ruse et de leurre diabolique. Saint Augustin et saint Thomas d'Aquin n'ont-ils pas appuyé de leur autorité la parole « Omnia quae visibiliter fiunt in hoc mundo possunt fieri per daemones » ? Tout ce qui se fait en ce monde d'une manière visible peut-il être l'œuvre des diables ? Johann Huizinga, l'automne du Moyen-Âge. Comment expliquez-vous ça? Pourquoi tout d'un coup ces hommes et ces femmes se décident à apparaître en plein jour après des années à cultiver l'inexistence? Ça devient de plus en plus difficile à suivre, mais c'est une bonne question. Je vais vous paraître vaniteux sans doute. Pensez-vous? Mais je me sens responsable. Je suis le premier domino d'une série de chutes. Il a fallu l'incident de la camionnette, le 24 avril, et dès le lendemain ma défection, la première d'une longue série de dissidences, pour inciter tous ces hommes à sortir du bois. On ne vous jettera pas la pierre, allez. Vous devinez bien que ça ne s'est pas arrêté là. Aux espions du premier et du deuxième degré, il a fallu ajouter les espions du troisième et du quatrième. Des espions chargés de surveiller les espions chargés de surveiller les espions. Mais ainsi de suite, comme on dit. Bientôt quatre, puis cinq réseaux de surveillants, comme des sphères concentriques. Les espions d'un niveau supérieur ayant en charge deux, parfois trois agents du niveau situé immédiatement en dessous, pour des raisons d'économie et parce que le nombre des hommes sur Terre n'est pas extensible. Le dénommé Prospero, affublé d'un surveillant nommé Aramis, lui-même surveillé par Giacomo, surveillé par Thérèse, propose un soir à l'assemblée de ses collègues, espions du premier au cinquième degré, une sorte de diagramme pour aider à se figurer cette chimère de sphères et de pyramides. Mes chers collègues, j'ai été frappé comme vous tous par la multiplication du nombre grandissant des niveaux de surveillance. Bon, écoutez, j'essaie de parler. Un peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, pour y voir plus clair, j'ai mis au point un algorithme et j'ai obtenu ce schéma. Tout le monde, ce soir-là, se penche sur un vaste croquis, dessiné sur une aussi vaste feuille, déroulée avec majesté sur la table. Elle ressemble à l'un de ces plans, dépliés par la figure d'un architecte dans une représentation peinte de la tour de Babel. Alors, ici, en rouge, un dodécagone, polygone à 12 côtés. Oh ! Et à l'intérieur, en vert, un hétaïcosagone à 27 côtés. On dirait la reproduction d'un carrelage compliqué, selon une perspective inhabituelle. Trompeuse peut-être, mais irréfutable, parce qu'il n'y manque aucune ligne et que tous les points de fuite sont respectés. Alors, si je trace les 54 diagonales du dodécagone et les relie aux 324 diagonales de l'hétaïcosagone, j'obtiens une figure très intéressante. Vous allez voir. Alors, mais pendant tout ce temps, plus personne ne faisait son travail, plus personne dans la rue pour surveiller les suspects. C'est la question que je me posais aussi. La plupart n'y pensaient même plus. Ils avaient mieux à faire. Chercher à comprendre les raisons de leur métier et tâcher de retrouver la trace de leurs employeurs, évaporée dans la nature. D'autres se sont arrangés pour travailler le jour et débattre la nuit. Mais d'autres encore ont préféré tricher. Madame la Présidente, il s'agit bien d'un trafic interne. Oh, silence! Ce système d'échange de clients et de délégation de filature en fonction de la disponibilité de chacun va à l'encontre de notre déontologie et de nos règlements. Parlons-en des règlements. Ils ne valent rien. Je ne vois aucune raison de les mettre en doute. Pendant ce temps-là, nos clients sont livrés à eux-mêmes. Et grand bien le fasse. Cet abandon de nos missions fondamentales est un pur scandale. Oh, tout de suite les grands mots. Que vont penser nos employeurs? Mais quels employeurs? Oui, où sont-ils? Pas tous, s'il vous plaît. Pas tous en même temps. Ils sont là. Partout, quelque part. Montrez-les-nous. C'est un non-sens absolu. Ils nous écoutent en ce moment même. On ne sait même pas s'ils existent. Et Dieu, Il existe. Ne publiez pas tout. Bon, je vais devoir suspendre la séance si vous ne vous décidez pas à respecter l'ordre de prise de parole des intervenants. Est déplorable. La véritable question, c'est si l'agent German a commis une faute en intervenant dans le cours de l'existence de son client. On ne va pas revenir là-dessus. Et pourquoi pas? Un véritable scandale. Je vais vous dire, moi, ce qui est véritablement scandaleux. Silence! Madame la Présidente, je peux prouver que le diagramme à base de dodécagone et d'heptaïcosagone dessiné par l'agent Prospero pour représenter la structure complète de notre organisation n'a pas été mis au point par lui seul. Mais avec l'aide d'Anastasia Burbakovska, mathématicienne, où est le mal ? Il se trouve que l'agent Prospero est depuis 25 ans en charge de surveiller Madame Burbakovska. Il y a conflit d'intérêts. Il est formellement interdit de livrer des secrets. Un scandale. Cette fois, je suis bien d'accord. Démission. Démission. Silence, s'il vous plaît. Silence. La séance est suspendue. Le complot tend mécaniquement à devenir universel, c'est-à-dire ne rien accepter de sa mission, alors il finit par englober toute chose et se confondre avec le monde. En toute logique, il faut admettre que notre monde est un complot ayant atteint sa taille optimale. De son passé de complot, il conserve une trace et toute spontanéité y est préméditée. Si par ailleurs il est l'aboutissement de plusieurs complots successifs ou simultanés, on interprétera ces tremblements comme des signes de contradiction dans ses désirs et ses intentions. Owen Marcus Ford, Le monde comme intention et comme déchiffrement, 1922. Et ensuite ? Le président a suspendu la séance. Il n'y en a pas eu d'autre. Notre cénacle d'espions et d'espions d'espions devenu trop gros et incohérent s'est dissous de lui-même, s'effondrant sous son propre poids. Vous avez dit dissolution et effondrement. Ces deux mots ne sont pas du tout de la même famille. Il faut choisir. Chacun est retourné à ses occupations ? C'est exact. Comme si de rien n'était ? Plus ou moins, monsieur, plus ou moins. Après avoir fait exploser des alambics et réfuté la métaphysique de Spinoza, les copistes Bouvard et Pécuchet sont retournés docilement à leurs copies. Pavel German, après ses escapades, retourne à ses filatures, aux nuits, aux jours, aux fenêtres allumées et éteintes, à cette routine qui semblait tourner en rond en l'attendant et le rembarque sans question ni reproche. Le voilà à nouveau sur la piste de Michael Gardner, matin et soir, comptant sur la régularité du professeur pour rétablir le cours d'une existence le plus normale qui soit. Compte rendu de filature, 22 septembre. Levé du soleil à 7h09. Lune à son premier quartier. Luminosité de 66%. 7h23. Lumière à la fenêtre du quatrième étage de la rue Cavendish. Mais c'était prévisible. Quelque chose a changé. Et nous laissons au mot « chose » ce qu'il a de plus imprécis. Les jours passent. Le professeur marche en rythme comme si le nombre de ses pas sur le trottoir obéissait à une suite discrète. Mais le soupçon s'est ajouté à la routine. L'espion a par moments le sentiment que son client a reconnu sa présence et la tolère au nom de son ancienneté. Sa bienveillance ressemble au pardon d'une faute, conciliant mais meurtri et ne cachant pas sa blessure. Vous n'avez plus jamais revu vos collègues ? Tacitement, nous avons choisi de ne plus nous fréquenter. Et de ne plus se reconnaître si on se croisait dans la rue. Il n'y a jamais eu d'exception à cette règle ? Parlez, mon ami. Nous arrivons au bout. Inutile d'être cachotier. Une exception, peut-être. On peut en savoir davantage? Compte rendu de filature. À 8h03, la porte de l'immeuble de la rue Cavendish s'ouvre. Même heure et même minute, le professeur se dirige vers la rue Mendel. Un matin, sur le trajet du professeur, pas très loin de l'endroit où une camionnette idiote aurait dû lui enlever la vie, nous croisons, lui et moi, la route de Dora Palinowska. Le professeur ne remarque rien. Il poursuit son chemin, mais je l'abandonne pour suivre la jeune femme. Elle se laisse prendre en filature sans broncher. Nous marchons, l'un derrière l'autre, d'une rue à l'autre, pendant des heures, tous les deux expérimentés dans l'art de suivre et celui d'être suivi. Puis je ralentis mon pas, et ma filature se distend. Elle ne se brise pas, mais la distance devient bientôt si grande entre l'agent Palinowska et moi que la filature, sans jamais s'interrompre, se dissout dans l'espace et le temps. Encore maintenant, d'une certaine façon, elle a toujours cours. Ça semble aller à l'encontre du bon sens. Vous pensez? Oui. Enfin, je crois que je le pense. Bien, c'est tout ce que je voulais savoir. J'en ai fini avec vous. Excellente nouvelle. Mon client est libre? La décision ne m'appartient pas, je vais transmettre le dossier. À moins que vous n'ayez quelque chose à ajouter, Monsieur Garman. Un détail, peut-être. Un dernier, alors, et très bref. Hein. Il y a 3 semaines, pour la première fois depuis des années, mes employeurs m'ont fait signe. Finalement, vous voyez, personne n'avait disparu. Ces gens-là ne disparaissent jamais vraiment. J'ai reçu l'ordre de procéder au remplacement de ma capsule de cyanure de potassium, devenue obsolète. On n'avait pas eu tort de s'en inquiéter. J'ai rempli le formulaire, je l'ai glissé dans la même boîte aux lettres. On m'a convoqué pour une rencontre discrète. Je me suis rendu en un lieu imprécis, absent de tous les cadastres. Derrière des rideaux, j'ai fait la rencontre de l'homme chargé de me délivrer le poison dans une ampoule plus efficace, plus rapide et plus discrète que l'ancienne. Vous non plus, vous n'auriez pas été surpris de reconnaître à ce moment-là l'éminent professeur Michael Gardner. Cette capsule de cyanure, on me l'a logée dans une molaire, fidèlement à une coutume qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une légende de roman d'espionnage. Il me suffirait de mordre dedans pour vous fausser compagnie. L'absence de raison du monde, son absence de scrupules atomistes par rapport à tout ce qu'il crée et reprend dans sa somme matérielle immuable. L'homme la met philosophiquement au service de la conscience libérée du monde. Et il le fait uniquement pour découvrir que ce qu'il conquiert ainsi n'est que ce qui avait déjà toujours été là. Le reste de l'événement cosmogonique primitif. Hans Blumenberg, La lisibilité du monde, 1979. C'était Le discret et le continu de Pierre Sange, avec Alain Fromager, Catherine Tartarin, Hervé Furic, Johanna Niza, Bertrand Suarez-Passos, Tamar Barour, Françoise-Henri Kumer, Donatien Guillot, Lenka Luntakova, Maya Boquet, Bruno Pavio, Jacques Leplus et Fanny Santerre, Othello Vilgar, Valentine Atlan, Simon Frou, Fanny Marie, Raphaël Goldman. Bruitage, Bertrand Amiel. Équipe de réalisation, Cédric Chatelus, Dali Yara, Clémence Grosse, Jean-Mathieu Zambre. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy.